Si je te disais que dans 5 ans, nous allons manquer d'air, tu vas me dire, tu es fadaire. Dans 5 ans comme dans 1000, c'est possible. Tu vois, quand ça ne va pas, tu sais. Hein? Ouais, ça peut se précipiter. Tu ne peux pas t'imaginer. Ça peut faire la boule de neige dans l'affaire de quelques 20 ans, là, se retrouver alors, réellement dans le sale droit, quoi. Alors, la pollution, les usines, on y peut. Les dégoûts, on peut faire quelque chose. Le remède, on le connaît. Dans le monde capitaliste tel que nous le vivons, hein, on n'est pas assez riche pour le faire. On ne peut pas le faire. Voilà. On ne peut pas le faire. Parce que, hein, la voiture, c'est un beau jouet. C'est une affaire de dire, mais la voiture, il faut qu'elle diminue des 3 quarts. Voilà. Dans les 40 ou 50 ans à venir, il faut que... Bon, ben la voiture particulière, ça n'existe plus. Ça n'existera plus, tu ne le verras plus, ça ne peut plus exister. Voilà, c'est un beau jouet, je reconnais. Hein, que ça peut plaire, mais on n'est pas assez riche pour se payer... La Terre n'est pas assez riche pour payer une voiture à chacun, et puis c'est pas compliqué. Voilà. Alors, il faut supprimer ça, en garder le minimum pour... Question de transport en commun, ben, voilà. Alors là, tu diminuerais quand même la chose. Transport hein, propre avec ça serait, quoi. Voilà, ça serait réellement, hein, tu vois. Alors, on doit pouvoir y arriver. Alors, tu vois, pour l'affaire des Bourrouges, le type, il reconnaît, il le dit, le patron là, de celui qui pollue les Bourrouges. Le Edison, oui. Voilà. Il te met au pied du mur, il te dit, bon, ben moi, je m'arrête. Hein? Oui, mais dans une économie capitaliste telle que nous vivons, c'est pas possible. Mais dans mon économie socialiste à moi, c'est très possible, parce que les ouvriers de chez Renault qui vont s'arrêter de faire des voitures, hein, ils seront capables de faire des bassins d'épuration. Hein? Il n'y a rien à faire. Du moment qu'on pollue, on doit pouvoir dépolluer. Avant, on ne polluait pas, on pollue maintenant. On doit pouvoir s'arrêter. Hein? C'est le... Oui, mais alors, tu te rends compte que si une usine comme ça elle s'arrête, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Alors, je vais te tenir le raisonnement que je tenais à un faillot après la libération, un brave type, un collègue, quoi. Et, alors, il me dit, mais tu te rends compte, si on levait la marine à Toulon, qu'est-ce que nous deviendrions? On est foutus, alors. Alors, il dit, écoute-moi, ne te casse pas la tranche, si tu n'es pas un économiste, fais le problème comme je le fais moi, je ne suis pas plus que toi, économiste. Moi, je fais des bateaux, je travaille au chantier. Toi, tu les casses. Hein? Tu manges bien et je mange bien. Moi, je m'arrête de faire les bateaux et toi de les casser. Hein? Ce que je fais, ce que tu démolis, ça fait un gros zéro et même ça fait des pertes. Hein? Bon, on s'arrête tous les deux de travailler, nous mangeons toujours. Il y a un con qui nous nourrit. Hein? Tu es d'accord? Il me disait oui. Bon, ben, jusqu'à présent, alors il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas à nous nourrir. Hein? Oui, mais si on ne fait plus rien, on ne te nourrit pas. Ben alors à ce moment-là, j'ai dit, on donnera un petit coup de main à celui qui nous nourrit. Ça, il fera un peu moins à faire. Je ne sais pas qui est ce qui nous nourrit. Moi, je fais des bateaux, toi, tu les démolis. Bon, toi, tu fais des voitures qui me font du mal, qui m'empêchent de respirer. Hein? Moi, je ne peux pas m'empêcher de respirer, mais toi, tu peux t'empêcher de faire des voitures. Bon, on n'est pas assez riche pour faire des bassins d'épuration. Hein? Il n'y a rien à faire. Le produit brut et même le produit il y est du moment qu'on mange. Hein? Oui. En fait, c'est pas qu'on n'est pas assez riche, on est assez riche, on serait assez riche pour faire. Oui, mais ça c'est toute une histoire.